petite question sur un sujet différent par rapport aux entreprises universitaires sous-traitantes. En parlant avec des chercheurs alors en sciences, hein, sciences exactes, qui passent beaucoup de contrats, recherche très fondamentale, mais avec application immédiate quand même en matériaux, certains n'ont pas le sentiment de virer à la sous-traitance en expliquant qu'ils jouent, certes, des fois, c'est des recherches un peu plus de routine ou d'application, mais qu'ils utilisent les crédits du privé pour après réussir à faire un peu plus de fondamental. Est-ce que c'est une posture? Jusqu'à quel point ils arrivent à négocier? Est-ce que vous parlez des États-Unis aussi comme modèle ou pas? Ils arrivent à s'en sortir, à jouer avec les entreprises, entre guillemets, à égalité? Ou est-ce que là-bas, ils sont vraiment des sous-traitants également?